tout cet humour. Pourquoi ? Pourquoi ? musulmanes, les femmes à qui on arrache leur soutien parce qu'elles sont femmes. Mais on les aide tout. On s'assoit sur leurs têtes et leurs nues. C'est pas normal. Mais en tout cas...